MyDetroitHustle.com. OG 10 in the building. Yeses, I win despite of your best efforts to be a little aggressive. I pressure most the best with my pedigree. In 17 seconds or less, you see I'm better than you'll ever be. Whether we in chill or it's battle mode, I come up on your block and explode a whole lot from a Glock to several. Shots to the dome, whether deeper I'm rolling dolo. I'm doping your style, that's so be capping, and that's a no-no. You can leave with a broke nose, got the game in a chokehold. Stop, I'm like a living legend, son of virtuoso. Be the best of, no need to second guess, step off. Got the lyricism so sharp, it'll chop your neck off, boss. I ain't with taking losses, I know you fake it soft. You keep talking, you'll be a dead man walking to his coffin. Cause he fell in love with talking a little too often. I'm taking body shots, knock your whole heads off. Si tu veux try, nous on est là, ben à côté dans mon jet up. Pas ton avis, donne-moi pas ton avis. Pour 50$, nous on t'éclate, je veux rien entendre, t'es ben trop plate. Donne-moi pas ton avis, moi pas ton avis. La bullshit m'a dit tout de suite, prenons la fille, c'est une course poursuite. J'suis le type à être forcé des pilules, j'en prends 68. Donne-moi pas ton avis, moi pas ton avis. Ceux qui pensent qu'ils sont trop drôles, ceux qui en arrachent deux mondes différents dans lesquels on vit maintenant. Tous ces problèmes de cash et ceux qui sortent la cage font porter sur un crash, c'est le monde dans lequel on vit, wesh. N'ai assez entendu des cris, des pleurs, des joies, des haines. Oui, l'être humain me désespère, ton avis me fait perdre mes repères. Je plonge la vie tel un dauphin, me sens servi, c'est le destin. Bien mon autre vie, la vie, le mien, je suis étourdi, ça commence bien.